Rochers inaccessibles par André Theuriet. Chapitre 1er. Je suis monté hier au Parmelan, qui est de mon voisinage et dont la longue cime rocheuse, d'un gris argenté, s'élève à pic comme un rempart cyclopéen au-dessus d'Annecy et de la vallée du Fier. J'ai une prédilection pour cette montagne. Malgré son attitude hautaine, elle est d'un accès facile. Les deux tiers de l'escalade s'y font à travers des prairies et des bois. Elle n'a point de proportion écrasante. Son altitude de 1800 mètres s'harmonise avec l'intimité du lac d'Annecy, dont elle limite l'horizon du côté du nord, par d'élégantes et sobres lignes qui font penser à un paysage grec. Les profondes vallées qui se creusent à sa base aident encore à l'illusion et suggèrent des visions arcadiennes. Il n'est pas jusqu'à son joli nom de Parmelan, qui n'est quelque chose d'antique. J'avais dépassé le plan de l'écureuil à partir duquel, sous la retombée des hêtres, des sapins et des sorbiers, la flore alpestre se développe dans toute sa gloire. Je m'attardais à cueillir des framboises sauvages aux marges du sentier, quand au détour d'un lacet, j'ai aperçu un touriste qui me précédait et dans lequel j'ai reconnu un propriétaire des environs, François de Rivaz. C'est un alpiniste fervent. Chaque été, depuis 5 ans, je le rencontre en Savoie, et un commun amour pour la montagne a établi entre nous des relations presque amicales. Il passe la belle saison dans une gentilhommière perchée au milieu des bois, un peu au-dessus du col de Bluffy, de sorte que de ses fenêtres, il peut voir d'un côté la nappe azurée du lac et de l'autre la verte vallée du Fier. M. de Rivaz touche à la quarantaine, et comme il est resté garçon, sa modeste fortune lui permet de vivre à sa guise. De taille moyenne, le jarret solide, les épaules robustes, la barbe blonde, le teint rosé avec de clairs yeux bleus, dont l'honnête limpidité n'exclut pas la finesse, ce galant homme est un des plus agréables échantillons du type savoyard. Il a une culture d'esprit assez étendue, une parfaite loyauté, et ce qui n'est pas rare chez les gens de la montagne, un trésor de naïve poésie et de candeur que l'expérience de la vie n'a pas entamé. Tandis que nous échangeons une poignée de main, je crus remarquer sur sa physionomie ouverte un certain embarras et comme une vague contrariété, poliment mais insuffisamment déguisée. En dépit de ses efforts pour être aimable, il avait l'air distrait. Une lutte intérieure semblait s'établir entre son ordinaire affabilité et un secret désir de se tenir sur la réserve. Pendant les premières minutes, cela jeta entre nous une froideur gênante, et je commençais à me repentir de l'avoir rejoint quand tout à coup Rivaz me dit brusquement « Vous me trouvez maussade, n'est-ce pas ?» Je vous avoue franchement que j'ai d'abord été un peu ennuyé de vous rencontrer, mais je préfère encore que ce soit vous plutôt que tel autre de mes connaissances, et puisque nous devons passer la soirée côte à côte, je vais vous conter pourquoi. Je monte aujourd'hui au Parmelan. Oui, j'aime mieux tout vous dire, au risque d'être blagué. Je crus devoir protester contre les intentions moqueuses qu'il me prêtait. « Oh, continua-t-il, ne vous défendez pas, vous autres Parisiens, vous ne donnez guère dans le sentimentalisme, c'est connu, et quand vous saurez mon histoire, vous me jugerez un peu trop romanesque pour mon âge, mais tant pis, j'ai besoin de m'épancher. Apprenez donc que je vais là-haut dans l'espoir d'y rencontrer une personne que je n'ai pas vue depuis 20 ans et qui doit faire ce soir l'ascension du Parmelan avec sa famille. » Chapitre 2e. Tout en ébauchant cette confidence, Rivaz avait rougi, et je surpris dans ses yeux bleus une lueur tendre, presque mouillée. Il s'arrêta, arracha machinalement une fleurette au gazon du talus, contempla rêveusement la coulée ensoleillée et verdoyante par où l'on aperçoit les maisons du Dingy, le miroitement du Fier, les bois de Bluffy et le bleuâtre profil des montagnes du lac. Puis il poursuivit « Cette personne est une femme. Je l'ai beaucoup aimée quand elle avait 19 ans et que j'en avais 22. Son passage à travers ma vie a laissé en moi de si chères impressions qu'aujourd'hui, je grimpe au Parmelan pour revoir, ne fût-ce qu'une minute, cette collée de la Blonnière qui était toute l'occupation et toute la joie de ma jeunesse. Oui, je l'ai bien adorée et elle-même, j'imagine, avait pour moi plus que de l'amitié. Je ne l'ai jamais possédée, et pourtant, le souvenir de nos courtes heures d'amour, parfume encore mon âge mûr. L'image de Colette s'est reflétée sur tout le paysage que nous contemplons d'ici. La teinte du lac me rappelle le bleu changeant de ses yeux. Les rayons du soleil sur l'eau me reparlent de son attirant sourire. La montagne tout entière, avec sa verdeur, sa lumière, ses colorations, ses odeurs d'herbes fauchées, me semble s'être imprégnée du charme troublant qui émanait de la personne de Colette, et c'est pourquoi je reviens ici chaque été avec amour. Nous étions voisins de campagne. Elle habitait non loin de Bluffy, à Alex, une maison moitié ferme et moitié château, qui est encore debout, et dont je ne puis voir la terrasse en novembre sans un serrement de cœur. Nos familles se visitaient, et depuis l'époque où Colette avait quitté son couvent de Chambéry, nous nous rencontrions souvent, grâce à la liberté que permet la vie campagnarde. Je la vis pour la première fois par un clair après-midi de septembre, pareil à celui-ci, et tous les détails de cette journée sont pour moi nets et précis comme s'ils dataient d'hier. Un prunier vigoureux se penchait au-dessus du porche de sa maison, et de chaque côté du seuil, des buissons de fuchsia poussaient à foison leurs grappes de clochettes rouges. Debout, parmi cette ombre verdoyante, Colette, en robe rose, la tête renversée en arrière, tendait le giron de son tablier pour recevoir les prunes violettes qu'un paysan perché dans l'arbre faisait pleuvoir sur le sol. La cambrure de la taille souple, le mouvement gracieux du cou et des épaules, les rondeurs commençantes du corsage, la blancheur des bras demi-nus. Non, jamais je n'oublierai le trouble délicieux que me causa cette éblouissante apparition. J'ouvrais des yeux extasiés. Une douce chaleur me coulait dans les veines, et l'oppression que je ressentais était telle que je ne pouvais parler. Colette s'aperçut de mon émoi, sourit, rougit, puis s'esquiva pour prévenir ses parents. Un peu plus tard, je la revis. Elle était au piano dans le salon obscur et chantait d'une voix limpide une brunette du XVIIIe siècle, dont la simple mélodie m'allait droit au cœur et qui commence par ces vers. « Rocher inaccessible, que vous êtes heureux de n'être point sensible aux tourments amoureux. » Comment nous nous aimâmes, je n'en sais plus rien. Aucun événement ne marqua les progrès de cette naissante passion. Elle fut l'œuvre lente et cachée des heures et des jours. Nous sentions le bonheur d'être ensemble, de nous entre-regarder silencieusement ou de dissimuler notre émotion sous d'insignifiantes causeries, et jamais ne nous avouâmes notre amour. Nous éprouvions une sorte de pudeur à profaner cette secrète tendresse par une parole ou un geste trop expressif. Nous nous contentions de ces regards fondus l'un dans l'autre, dont le silencieux échange accroissait encore la volupté. D'ailleurs, nos mères prudentes nous surveillaient de très près. La passion muette que trahissaient mes yeux et mes subites rougeurs, quand Colette était près de moi, leur avait sans doute donné l'éveil, et comme nous étions trop jeunes pour qu'on pût songer à nous marier, comme en outre nos familles avaient d'autres vues et d'autres projets, on nous laissait rarement seuls. Cette surveillance étroite, jointe à la gaucherie de deux jeunes gens dont le cœur était aussi timidement honnête que la tendresse était brûlante, ne nous permit point de succomber à la griserie des sens. Mais en même temps, elle renforça notre amour. La retenue qu'elle nous imposait nous rendait plus intuitifs et plus ingénieux. Elle doublait la flamme de nos regards, la furtive joie de nos serrements de main. Ainsi, pendant 18 mois, cet invisible amour brûla silencieusement. Puis, soit qu'on se fût aperçu des préoccupations de Colette, soit qu'on jugea prudent de rompre une intimité qui pouvait devenir dangereuse, brusquement, monsieur et madame de la Blonnière résolurent de quitter Alex et de retourner à Lyon, où ils avaient des intérêts. Ce projet fut si rapidement délibéré et si secrètement mis à exécution que je l'appris seulement la veille du jour fixé pour le départ de Colette et de ses parents. Chapitre 3e. Monsieur de Rivaz, après un instant de silence, reprit. Atterré, le cœur navré, la tête en désordre, je m'échappais de chez moi comme un fou, et toujours courant, je gagnais Alex. J'arrivais à haletant sous la galerie, où je trouvais Colette en compagnie d'une femme de chambre et en train de remplir une malle. Au bruit de mon pas, elle se retourna, vit ma figure bouleversée et ses yeux devinrent humides. « Est-il vrai que vous partez demain ? » balbutiai-je. « Oui, » répondit-elle, « nous allons à Lyon. Vous y serez longtemps. Je ne sais. Mon père parle d'y rester jusqu'à la fin des études de mon jeune frère. Alors, c'est fini ? Je dois vous faire mes adieux ? Oui, » murmura-t-elle en plongeant sa tête dans la malle, comme pour y ensevelir ses larmes. Moi-même, je me violentais pour ne pas éclater en cris et en sanglots. À la veille de cette cruelle séparation, j'avais tant de choses à dire et je ne pouvais parler. La maudite présence de la servante me contraignait à ne proférer que des paroles banales. Enfin, Colette comprit mon supplice. Elle en eut pitié et se relevant. « J'ai mis de côté, reprit-elle, quelques livres pour vous. Venez que je vous les donne. » Elle entra dans sa chambre qui ouvrait de plein pied sur la galerie. Je l'y suivis et lestement, elle referma la porte derrière moi. Sans un mot, je lui tendis les bras. Elle s'y jeta passionnément. Ah, quel délice inoubliable que ce muet embrassement dans la chambre volet clos. Nous avions la tête perdue. Et je ne sais ce qui serait advenu si le pas de la servante, dans la pièce voisine, ne nous eût arraché à cette troublante folie. Allez-vous-en, supplia Colette en se dégageant de mes bras. Épouvanté moi-même de mon audace, effrayé de son effroi, je me glissai dehors et je me trouvai sur le chemin de Bluffy sans trop savoir comment j'y étais arrivé. Elle partit le lendemain et je passai tout le jour à courir à travers les bois environnants pour revisiter chacune des places où nous étions venus ensemble. Je revoyais l'allée moussue où sa robe rose m'apparaissait de loin entre les arbres, le chemin du bord de l'eau où je l'avais rencontré un soir, occupé à couper des branches d'épines binettes, le ravin où j'avais grimpé pour lui cueillir des cyclamens. Ma poitrine se serrait à la pensée que tout cela ne reviendrait plus. Je murmurais, avec des sanglots dans la gorge, les paroles de sa chanson favorite. « Rochers inaccessibles !» Ah, le bonheur ! À peine l'avons-nous entrevu, qu'une main pitoyable nous emporte bien loin, comme ces enfants qu'on emmène avant la fin du spectacle. De quelle pauvre et chimérique étoffe est tissée la destinée humaine ? Le passé est peuplé d'ombre, le présent nous coule dans les mains comme de l'eau, l'avenir n'est qu'incertitude, et voilà de quoi se compose cette vie à laquelle nous tenons tant. 20 années de fausses joies et d'agitations stériles se succédèrent. Je n'avais plus revu Colette. Je savais qu'on l'avait mariée à Lyon et c'était tout. Mais j'avais conservé au plus profond de mon âme le souvenir de notre brève tendresse. Et les plaisirs d'amour que j'ai pu goûter par la suite n'en avaient jamais effacé l'exquise saveur. L'autre soir, Cadou, le jalousant du parmesan, en s'arrêtant devant ma porte, m'apprit qu'il allait chercher à Annecy celle qui s'était appelée autrefois Colette de la Blonnière. Elle arrivait d'Aix avec son mari et ses enfants et comptait faire l'ascension du Parmelin en famille. Cela m'a donné une secousse au cœur. Tout le temps jadis sans sa prime fleur est ressuscité soudain. J'ai désiré revoir une dernière fois l'ami de ma jeunesse et je suis monté ici. Je sais que je vais sans doute au-devant d'une des illusions, mais c'est plus fort que moi. Et je passerai la nuit là-haut. Chapitre 4e. Tandis que Rivas achevait ses confidences, nous avions escaladé l'escalier de géant du Grand Montoir, d'où la vue plonge jusqu'au fond des verdoyantes vallées lointaines de Navès et de Dingy. Vers 6 heures, nous atteignîmes le sommet, et devant nous se dressaient les murs gris du chalet adossé au pâturage. Au-dessous, sur la route muletière, montaient les claquements de fouet et les cris des guides annonçant l'arrivée d'une bande de touristes. À nos pieds s'étendait cette étrange mer de pierre qu'on nomme les Lapias, et qui, avec leurs vagues pétrifiées, leurs crevasses béantes, leurs squelettes de pins décharnés, semblent les restes d'un vieux monde éteint. Tout au loin, du côté de l'est, les aiguilles Mont-Blanc et les profils d'une longue chaîne de glaciers transparaissaient derrière de mobiles nuages que le soleil déclinant teignait d'idéales couleurs, rougeur d'aurore, violet mystique, azur aux irisations d'opale. Puis, l'astre ayant disparu dans un océan de vapeurs orangées, tout pâlissait, les glaciers devenaient blafards, les Lapias prenaient des tons d'un lilas mélancolique. « Rentrons, dit François de Riva avec un involontaire frisson. Dans la grande salle servant de réfectoire et où ronflait un poêle de cuisine, les touristes de tout sexe et de tout âge affluaient. Au travers des groupes, l'hospitalier Charles Encadou et sa femme dressaient le couvert sur de massives tables, rangées contre les murs, et où s'installaient déjà les excursionnistes affamés. Comme l'obscurité embrunissait cette pièce spacieuse, Madame Cadou allumait des bougies et les disposait de loin en loin sur la nappe. Chapitre 5e. Nous venions de nous asseoir à une petite table isolée. Tout à coup, Rivas me serra la main et d'un clin d'œil significatif me désigna 5 touristes qui entraient. Ce groupe de nouveaux arrivants se composait d'un homme déjà mûr et replet, roux, barbu, ayant la physionomie ennuyée d'un négociant retiré des affaires, de 3 enfants de 7 à 15 ans, et d'une dame ayant conservé l'air jeune, bien qu'elle approchât de la quarantaine. À l'altération des traits de mon ami, je compris que la nouvelle venue était Colette. Fort jolie encore, elle avait des yeux d'un bleu noir très brillant. Sa bouche était restée fraîche, ses épaules et son corsage avaient conservé un modelé charmant, malgré un commencement d'embonpoint. À ce moment, le chalaisan Cadou, s'adressant à mon compagnon, l'appela tout haut. « Monsieur de Ribaz !» Colette eut un léger tressaillement. Pendant quelques secondes, son regard inquiet se rencontra avec celui de Ribaz, mais elle ne sourcilla pas et n'eut pas l'air de le connaître. Avec vivacité, elle entraîna ses enfants vers la table qui leur était réservée et s'y assit de façon à nous tourner le dos. Elle semblait tenir ses yeux rivés sur ceux de son mari placé en face d'elle. Celui-ci, qu'on nommait Monsieur d'Ivoire, mangeait avec des précautions tatillonnes et minutieuses. De temps à autre, il jetait un regard méfiant du côté de François de Ribaz. Peut-être avait-il entendu parler de l'ancienne inclination du propriétaire de Bluffy et trouvait-il suspecte sa présence au Parmelan. Colette devait savoir à quoi s'en tenir là-dessus, car elle ne bougeait pas. Seulement, un imperceptible frisson de ses épaules dénotait une agitation intérieure. Ribaz, lui, mangeait du bout des dents et taciturne, gardait ses yeux fixés sur ses belles épaules frissonnantes, sur cette taille souple et cette nuque blanche où frisottaient des cheveux châtains. Et tandis qu'au cœur de cet homme et de cette femme frémissaient les souvenirs de l'amour d'autrefois, un joyeux brouhaha bourdonnait entre les 4 murs nus du chalet. Aux lueurs tremblotantes des bougies, toutes les figures, jeunes ou vieilles, masculines ou féminines, formaient un amusant ensemble de silhouettes, tantôt sommairement éclairées, tantôt noyées dans une ombre mystérieuse. Au dessert, les convives réunis par hasard sur ce sommet de montagne commencèrent à se familiariser et les groupes se confondirent. Seuls, nous restions isolés à notre table. La plus jeune des enfants de Madame d'Ivoire, une fille de 7 ans, aux boucles châtaines, quitta sa place et vint rôder curieusement autour de nous. D'un tour de main, Rivas la tira à lui, la regarda avec émotion et lui déposa sur le front un furtif baiser. « Comme elle lui ressemble, » murmura-t-il. Les éclats de rire attirèrent l'attention de Madame d'Ivoire. Elle se retourna, surprit cette caresse rapide et doucement. « Eh bien, Colette, » s'exclama-t-elle, « eh bien. » On s'est élevé, et les touristes, presque tous là, gagnaient lourdement les uns le dortoir commun sur le foin, les autres, les lits disposés dans d'étroites chambrettes. Notre cabinet, à Rivas et à moi, était voisin de la pièce réservée aux dames, dont nous séparait seulement une cloison de sapin. François se dévêtit à moitié et se jeta sur son lit sans desserrer les lèvres. Quand notre lumière fut éteinte, nous distinguâmes de l'autre côté de la cloison la voix de Colette qui câlinait sa petite fille et la dodelinait pour l'assoupir. J'ai été fatigué et je m'endormais assez vite, mais d'un sommeil entrecoupé pendant lequel j'entendais Ribaz s'agiter nerveusement sur son lit de camp. Chapitre 6e. Nous fûmes réveillés par un blanc rayon matinal qui traversait les vitres sans rideaux. Dans la salle résonnaient déjà les souliers ferrés des touristes occupés à commander leur déjeuner, et Cadou vint crier à notre porte. « Messieurs, dépêchez-vous, le soleil va se lever. » « Au revoir, » me dit Ribaz en bouclant ses guêtres. « Je me soucie comme d'une guigne du lever du soleil et je redescends. » Toutes les horreurs ne m'ôteraient pas le noir que j'ai dans l'âme. J'avais bien prévu que c'était de la tristesse qui m'attendait ici, mais j'essayais de me leurrer. Maintenant, je suis fixé. Elle n'a même pas daigné me reconnaître. « Attendez-moi, » repartis-je, touché de compassion. « Je descendrai avec vous. » Nous sortîmes. Au bas de l'escalier, des touristes frileusement enveloppés de châles regardaient du côté du levant, où une vive teinte rose courait déjà sur les cimes des glaciers. Comme nous contournions le chalet, il nous fallut passer devant la croisée de la chambre réservée aux dames. Les deux battants étaient ouverts et Colette, en train d'habiller sa fillette, fredonnait à mi-voix des bouts de mélodie, destinés sans doute à mettre l'enfant de bonne humeur. François de Ribas jeta un regard douloureux vers la Colette d'autrefois. Je ne sais si elle nous aperçut. Mais, tandis que nous dévalions vers le sentier caillouteux du montoir, nous l'entendîmes chanter d'une voix plus distincte, bien que peu tremblante. Rochers inaccessibles, que vous êtes heureux de n'être point sensible aux tourments amoureux. Au même moment, le soleil, d'un bond, surgit au-dessus des montagnes et allongea nos deux ombres sur le chemin. « Ah !» s'écria amèrement Rivaz, en faisant résonner son bateau ferré sur les cailloux. « Il n'y a pas de rocher si escarpé que l'homme ne puisse escalader. C'est le bonheur de l'amour qui seul est inaccessible. » Ainsi s'achève « Rochers inaccessibles » par André Theuriet.